Hey there, you are listening to a feed from cchits.net, and this is the Daily Exposure Show for 11th December 2020. Today you can hear a track, which may not be considered work or family safe. It is It's Got to Be a Funky by Dr. Groove Gang. Le son coule comme un flop, la guitare rayonne, les aigris tombent en syncope. Dr. Groove Gang, on n'est pas là pour ma shop. Chacun son délire, ni même toucher le jackpot. La funky thérapie, ouais, c'est ça qu'on développe. Nourrit aux jeepies, on vient enfoncer les portes. Ça doit bouger en France, faut que ça bouge en Europe. International funk, une force qu'on ne peut stop. Original funky shit, funky shit, follow me. Original funky shit, funky shit, follow me. It's got to be funky. It's got to be funky. It's got to be funky. It's got to be funky. C'est pour toutes les ladies, ceux qui bossent à l'usine et vont en boîte le samedi. Les PTG, les chômeurs, les flics et les bandits. C'est pour les kiffeurs de sound qui combattent l'inertie. Panique sur le dance floor, on déclare l'incendie. Les technomans se mettent tous aux abris. Un groupe de ouf qui fait danser un grizzly. Comme pour la Vinoman, si t'apprécies le style, ça fait Reader des bangs, Reader des bangs, Sting, Mr. Brown, Dr. Groove sur le rhythm again, c'est con. Reader des bangs, Reader des bangs, Sting. Hey yo. Sexy girl, me see me funky, funky, funky. That was It's Got to Be a Funky by Dr. Groove Gang. It was a Creative Commons by attribution, share alike licensed track. Every track we play is selected by a listener like you. To find out more, please visit cchits.net/FAQ. If you liked today's track, you can vote for it at cchits.net/daily/2020/1211. These votes decide whether this track will be on the weekly show and eventually if it will make it into the chart. Both of these can be found by visiting cchits.net. The theme is an excerpt from GMZ by Scott Altim. For details, please visit cchits.net/theme.